Les entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Les entrepreneurs engagés sur Fadjet, l'émission qui met en lumière celles et ceux qui agissent concrètement pour faire évoluer notre territoire et parfois même notre manière de voir le monde. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre un peu particulière. Et si pour répondre aux grands défis écologiques et sociaux, on ne misait pas seulement sur la science et la technique, mais aussi sur la créativité, les émotions et les mots. Mon invitée, Élise Levinson, a un parcours hors du commun. Ingénieure du vivant, docteur en sciences politiques, mais aussi artiste et animatrice d'ateliers d'écriture créative, avec son entreprise Hybrida Folia, accompagne celles et ceux qui s'engagent pour le vivant, associations, collectivités, professionnels, étudiants, en leur proposant de prendre un temps de recul, de réflexion et parfois même de transformation grâce à l'écriture. Son objectif, aider chacun à clarifier ce qui l'anime, remettre du sens dans son action et imaginer des futurs plus désirables. Nous allons parler de son parcours, de ce qu'elle propose, car vous allez voir, c'est à la fois original et très concret, de ses projets et aussi de son expérience au sein de la Serre à Projets. Alors bonjour Élise et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour Morgane, merci de ton accueil. Alors avant qu'on parle de ton activité, j'aimerais commencer par une question toute simple. Si tu devais expliquer ton métier dans un trajet d'ascenseur, en une phrase, tu dirais quoi ? J'aime dire que je cherche à poétiser les transitions socio-écologiques. Après 15 ans au contact des acteurs et des actrices des enjeux climatiques, écologiques, territoriaux, agricoles, je suis convaincue que les réponses techniques, scientifiques, rationnelles à ces grands enjeux ne peuvent pas suffire seules, voire peuvent être contre-productives. Et du coup, aujourd'hui, j'ouvre des espaces où hybrider ces réponses avec la poésie, dans ce qu'elle a de douceur, mais aussi de puissance et de liberté créatrice. C'est un changement de paradigme dans la façon d'entrer en relation avec le vivant et de lui faire de la place en nous et autour de nous. Merci Élise. Alors là, on a eu la version express. On va un peu plus détailler, sinon ça ferait un peu court comme émission de radio. Alors tu as un profil assez rare. Tu es ingénieur, docteur en sciences politiques et aujourd'hui tu es artiste et entrepreneur. Comment on passe de l'un à l'autre ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? En fait, ça s'est fait très progressivement, mais ces deux casquettes, entre guillemets, scientifiques, d'amour pour la compréhension concrète des phénomènes du vivant, d'une part, et d'autre part, une pratique artistique beaucoup autour de l'écriture, mais aussi de la trace dessinée, de la trace posée avec les encres. Ça a toujours été présent, en fait, dans ma vie, mais de façon très séparée. Et en fait, j'ai construit petit à petit la rencontre de ces différentes formes d'intelligence pour moi et pour les personnes que j'accompagne dans les transitions socio-écologiques. Il n'y a pas vraiment eu de déclic, de moment charnière. En revanche, il y a eu une succession de temps de dissonance intérieure trop forte qui ont fait que petit à petit, j'ai ancré, posé vraiment de façon de plus en plus affirmée et assumée cette hybridité qui est la mienne et que je constate aussi autour de moi chez de plus en plus de personnes. Du coup, c'est plus un cheminement qui t'a amené à créer ta propre structure. Donc aujourd'hui, tu as créé Hybrida Folia. Derrière ce nom poétique, qu'est-ce que tu proposes concrètement ? Quand on participe à un atelier avec toi, bah, il se passe quoi ? Est-ce qu'on écrit, on échange, on débat ? Est-ce que tu peux nous donner un exemple assez simple ? Oui, en fait, les ateliers, c'est un peu les moments forts d'un processus dans lequel ils s'inscrivent. Ce qui se passe, c'est que je rencontre des structures ou des personnes qui sont engagées dans les transitions socio-écologiques et on identifie ensemble un sujet, un thème, une problématique parfois qu'ils ont envie de travailler autrement que uniquement par la réflexion intellectuelle ou la réponse concrète. Et ensemble, on pose une intention que je vais proposer de travailler par l'écriture créative et la cartographie sensible. On peut aussi travailler avec du visuel et du dessin. Et autour de ça, je construis une trame d'atelier avec une succession d'étapes dans lesquelles j'accompagne en fait les participants et les participantes à poser des mots, des couleurs aussi éventuellement, un peu autrement sur cette problématique. Donc concrètement, je peux donner un exemple, un sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'ai travaillé avec une enseignante chercheuse et une graphiste en intervention auprès d'étudiants et d'étudiantes du master 2 gestion des milieux naturels d'AgroParisTech Nancy, qui sont dans des parcours de formation très scientifiques, très gestionnaires en fait du vivant, de la forêt en particulier. Et dans le cadre de cette formation, on les accompagne sur une semaine à prendre du recul sur la posture de l'ingénieur du vivant du 21e siècle, voilà, à l'heure de l'effondrement de la biodiversité, des dérèglements climatiques, etc. Qu'est-ce que ça veut dire que d'incarner ce métier-là ? Et donc concrètement, dans les ateliers d'écriture, je les ai accompagnés à poser des mots sur leur ressort d'engagement, de motivation, écrire des éléments de manifeste poétique de qu'est-ce que c'est qu'être pour eux ingénieurs du vivant aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qu'ils ont envie de refuser, donc de ne pas faire demain. Donc voilà, on pose des mots en fait, pas uniquement dans l'échange, mais ça active aussi des échanges et des débats entre les participants et les participantes pour pouvoir dire des choses que l'on ne peut pas dire uniquement dans un langage scientifique ou même politique. D'accord. Donc, mais ce qui peut surprendre, c'est surtout l'outil que tu utilises. On n'associe pas forcément l'écriture aux transitions écologiques. Pourquoi avoir choisi cet outil-là ? Alors, j'ai exploré énormément de méthodes d'accompagnement des acteurs et des actrices des transitions socio-écologiques, des facilitateurs de territoire en particulier. Donc j'ai expérimenté plein de choses, du forum ouvert au journal créatif, en passant par la communication non violente, le soul collage, plein de choses différentes. Et en fait, petit à petit, l'écriture créative m'est apparue comme le maillon qui fonctionnait le mieux entre une pensée rationnelle et une pensée créative, intuitive, sensible, poétique. Puisque l'écriture créative peut embarquer à la fois une réflexion intellectuelle structuré. Quand on écrit, on juxtapose des mots de façon linéaire, on commence les phrases par une majuscule, on termine par un point. Enfin, il y a quelque chose d'un peu technique et linéaire, rationnel dans l'écriture. Et en même temps, avec des propositions d'écriture ciblées, on peut aussi ouvrir un champ immense à la créativité, à la liberté. Je vais beaucoup écrire par des inspirations surréalistes, par exemple. Et donc, l'écriture créative permet d'embarquer à la fois, si je le résume comme ça, cerveau gauche et cerveau droit. Et donc, d'être vraiment dans cette hybridation science et art. D'accord. Mais est-ce que tout le monde peut écrire, même ceux qui se disent bon, « c'est pas trop pour moi » Alors, la réponse est oui. Ça a été une question qui m'a été beaucoup posée et qui m'est encore posée régulièrement, y compris pour des personnes qui n'ont jamais participé à des ateliers d'écriture créative ou qui n'ont pas cette pratique-là dans leur quotidien. Comme l'atelier est construit dans une succession progressive de temps d'écriture, je commence toujours par un échauffement créatif, voire plusieurs échauffements créatifs. On peut écrire sans écrire, avec des techniques très ludiques et en même temps très puissantes, comme le caviardage, ou comme des collages de mots, ou comme des échanges de mots entre personnes. Et petit à petit, on plonge dans l'écriture, si bien que tout le monde écrit, en fait. Et puis, il y a aussi le fait que je suis très attentive à être présente pour chacun et chacune dans les ateliers que j'anime. Donc si les personnes sont bloquées ou mal à l'aise, je leur propose des alternatives ou qu'on en discute en aparté. Donc voilà, ça ne bloque jamais vraiment. D'accord, donc on comprend mieux la méthode, mais du coup tu travailles avec qui exactement ? Aujourd'hui, qui peut faire appel à toi ? Est-ce que ça va être plutôt des structures, des particuliers ? Et aussi, est-ce qu'il faut déjà être engagé ? Alors, je travaille avec plusieurs formats. Ça peut être de l'accompagnement individuel. Je fais de l'accompagnement individuel type coaching par des ateliers d'écriture créative que je construis sur mesure pour les personnes que j'accompagne. Donc ça fonctionne. En 4 ou 5 séances, on peut arriver à débloquer un certain nombre de choses. C'est plus spécifiquement pour des personnes qui sont justement dans la construction de projets professionnels où ils ont envie d'être hybrides dans leurs activités, d'avoir des approches à la fois techniques, entre guillemets sérieuses, et en même temps créatives. Et puis le format collectif est voilà, très présent aussi dans mon activité professionnelle. Là, je m'adresse principalement aujourd'hui à des associations, à des collectivités territoriales, mais aussi à des chercheurs. Donc des personnes qui sont, d'une façon ou d'une autre, effectivement, engagées dans des sujets liés au vivant. Alors, plus ou moins engagées, c'est pas à moi de juger qui est, entre guillemets, sur le bon chemin ou pas sur le bon chemin des transitions écologiques. Mais en tout cas, voilà, des personnes qui se posent la question de savoir comment prendre soin du vivant autrement, que ce soit le vivant humain ou le vivant non humain. C'est un peu ça mon critère. Donc après, évidemment, il y a des entrées thématiques. Je peux travailler, par exemple, avec des acteurs des collectivités territoriales sur les questions de changement climatique, de neutralité carbone, construire des prospectives désirables, par exemple, par rapport à cette question-là. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, sur les métiers, en fait, d'ingénieur. Quels sont les ressorts d'engagement, de valeur, de motivation pour ces métiers-là, et entretenir un engagement dans des métiers qui sont très difficiles, en fait, qui peuvent être parfois ingrats et où il y a de moins en moins de financement, de moins en moins de soutien. Et puis, ça peut être aussi accompagné sur tout le champ de la coopération. Donc là, ça peut aussi être des acteurs publics ou des acteurs associatifs, mais ça peut aussi être des acteurs de l'entreprise, de se dire comment est-ce qu'on peut poser des mots sur la façon dont on se relie entre structures, entre personnes, dans les territoires, pour petit à petit faire alliance autrement, à la fois entre humains et encore une fois aussi avec les vivants non humains. D'accord, mais du coup, dans ta manière d'intervenir, est-ce que ça change quelque chose que tu accompagnes quelqu'un en individuel ou plutôt en collectif ? Alors, évidemment, la dynamique de groupe va être à prendre en compte quand j'accompagne en collectif, mais le processus, en tout cas dans l'atelier, reste le même. Toujours avec la préparation amont sur mesure, partir d'une problématique ou d'une envie, poser l'intention par rapport à ça et dérouler l'atelier d'écriture créative aussi en suivant ce chemin-là. Et ensuite, je propose, sur la base de ce que la personne ou les personnes écrivent, individuellement mais aussi collectivement, parce qu'en groupe on peut aussi faire de l'écriture collective, écrire des nouvelles de fiction à plusieurs par exemple, et moi je propose des retours, et c'est cet effet feedback par rapport à la problématique qui permet de progresser, d'évoluer, de clarifier une situation et de se projeter dans la suite. Donc en fait le processus est le même, que ce soit en individuel ou en collectif, de vraiment utiliser le texte ou les textes écrits ou les cartographies produites comme des supports en fait de feedback, de réflexion, de prise de conscience ou de projection dans l'avenir. D'accord. Et il y a aussi un format que tu as envie de développer davantage, quelque chose d'un peu plus immersif. Tu me disais en amont, c'est les résidences d'artistes. Donc concrètement, tu aimerais créer quoi à travers ça ? Alors en fait, pour moi, le principe serait le même, encore une fois, d'utiliser du texte poétique, qu'il soit de fiction ou de la poésie directement, mais aussi des supports visuels comme activateurs, comme étais de réflexion et de transformation. Là, dans les ateliers que j'anime, ce sont les productions des personnes que j'accompagne. Et mon envie, ce serait que mes propres productions artistiques puissent aussi servir dans ces processus-là, puissent aussi servir de support, de réflexivité, de compréhension des choses, d'activation aussi, toute cette richesse et ce foisonnement du vivant en nous et autour de nous. Et donc, de petit à petit, pouvoir introduire ma propre pratique, qu'elle soit d'écriture ou plastique, dans mes accompagnements, c'est quelque chose que j'aimerais développer. Pour l'instant, c'est encore à l'état d'émergence, on va dire. Mais je pense que moi-même, avec ce que je capte des personnes, de leurs interactions, de leurs problématiques, je peux produire des textes ou des visuels qui font effet miroir, en fait, à ces personnes. D'accord, mais tu t'installerais au cœur d'une structure. L'objectif, ce serait aussi d'observer les autres artistes. Comment ça se passe ? Alors, ça pourrait être effectivement d'être en immersion dans un territoire ou dans une organisation, que ce soit encore une fois une association, une collectivité territoriale, une entreprise, et en captant effectivement ce qui est à l'œuvre dans les interactions, dans les relations, aussi dans les sujets qui sont abordés par ces personnes et ces structures-là, d'être inspiré par ça pour produire de la matière artistique à partir de là, et ensuite activer autour de ça des temps d'échange, des temps de réflexion, voire des temps de coproduction de réponses, de solutions, d'envie de faire différemment ou de poursuivre. Donc ça, c'est une possibilité. Je vois aussi une autre possibilité, c'est d'intégrer cette production artistique dans un projet de recherche, puisque de recherche-création, plus précisément, puisque je me pose beaucoup de questions, en fait, sur la façon dont, quand on produit une œuvre, quelle que soit sa nature, comment est-ce que ça vient justement influencer, transformer les relations que l'on entretient à soi, aux autres et aux vivants. Donc là, il me semble qu'il y a encore, si ce n'est un angle mort de la recherche, en tout cas de la connaissance que l'on peut produire autour de ça, sur comment est-ce que le processus de création permet en fait ce que ne permet pas uniquement des processus de réflexion ou d'échanges verbaux. D'accord, bon bah en tout cas on te souhaite que ça prenne vie, c'est vraiment un beau projet. Alors au-delà de la dimension artistique, il y a aussi une réalité, entreprendre. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre et aujourd'hui qu'est-ce qui t'anime ? Alors l'entrepreneuriat, ça a été, disons, la forme la plus évidente qu'a pris mon projet suite à des années de salariat, simplement parce que ce que j'ai envie de faire aujourd'hui n'existe pas en fait dans le monde du travail tel que je le connais. Après, si ça existait sous forme de salariat, dans une équipe, avec un projet de structure, je serais totalement partante. Mais là, voilà, il m'a fallu construire en fait le positionnement du projet, l'offre, et donc voilà, le fait de me lancer à mon compte est venu tout naturellement. Après, je travaille énormément évidemment en partenariat avec les personnes que j'accompagne et je co-construis en fait avec elles et eux le contenu de ce que l'on fait ensemble. Donc je me sens quand même extrêmement reliée, même si je suis en indépendante, comme on dit, c'est plutôt une forme d'interdépendance que d'indépendance. D'accord. Alors Élise, tu n'as pas fait ce chemin toute seule non plus, tu as été accompagnée par la Serra Projet. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, je vous explique rapidement ce que c'est. La Serra Projet, c'est un programme porté par France Active Lorraine en Meurthe-et-Moselle. L'idée est simple, c'est faire émerger et grandir des projets à impact sur notre territoire meurthe-et-mosellan. Alors il y a deux volets, il y a la fabrique qui part des besoins locaux et qui aide à faire naître des solutions concrètes. Et on a l'incubateur, donc où tu as fait partie de cette promo, qui accompagne les porteurs de projets avec des formations, du suivi individuel, du co-développement et de la mise en réseau pour structurer leur activité. Donc ça, c'est ouvert aux citoyens, aux associations, aux entreprises sociales, bref, à toutes celles et ceux qui veulent transformer une idée engagée en un projet viable et utile localement. Or d'ailleurs, on a l'appel à projet 2026 qui s'est terminé il y a peu et dans quelques semaines, j'aurai le plaisir de vous présenter cette nouvelle promotion d'entrepreneurs engagés. Bon, on va revenir à toi, Élise. Tu as été accompagnée donc, par la Serre à projet. Pourquoi c'était important pour toi de ne pas être seule et concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Alors, pour répondre à ta première question, le fait de lancer une activité indépendante, c'est énormément de travail, énormément de choses concrètes à mettre en place, mais aussi de réflexions de fond à avoir. Et dès le début, j'avais conscience que c'était double enjeu que de le faire seul. Donc ça me paraissait évident que de rencontrer des professionnels de voilà, ce type de lancement d'activité et d'autres porteurs de projets allaient être aidants, ne serait-ce que pour formuler, verbaliser les choses, puisqu'il y a un enjeu quand même à communiquer sur son projet de façon simple, claire et lisible, ce qui n'est pas forcément hyper évident sur des projets atypiques comme ça. Et la Serra Projet, dans ce moment-là, en fait, de mon lancement d'activité, parce que voilà, j'avais quitté mon poste de salarié à peu près 6 mois avant, Donc à la fois les choses commençaient à se clarifier vraiment dans mon esprit et en même temps il y avait encore beaucoup de choses à préciser, à construire, y compris sur des aspects très concrets de modèles économiques, etc. Et donc l'accompagnement de la Serra Projet est vraiment tombé à point nommé sur cet ensemble de points, que ce soit la communication, que ce soit donc par exemple apprendre à pitcher son projet de façon très efficace et courte, que ce soit sur les aspects de fond, c'est-à-dire comment est-ce que je me positionne d'un point de vue stratégique, qu'est-ce que je privilégie comme piste ou qu'est-ce que je reporte, comment je priorise en fait tout ce que j'ai à faire, que ce soit également sur les aspects, encore une fois, de modèle économique, comment est-ce que je construis un modèle économique qui soit viable, qui monte progressivement en puissance, tenant compte du fait que ça prend du temps, mais qu'en même temps, il faut arriver petit à petit à trouver un rythme de croisière. Et puis aussi, l'aspect se sentir entouré, soutenu, pas seul dans ces dynamiques qui sont en fait très fragiles, étant donné qu'elles contribuent d'une façon ou d'une autre au bien commun et que toutes ces contributions au bien commun sont rarement soutenues ou financées comme telles. Donc d'échanger avec d'autres porteurs de projets là-dessus, c'était aussi extrêmement enrichissant, rassurant, soutenant. Ne serait-ce que d'un point de vue émotionnel, d'arriver à traverser les différents obstacles et se sentir entouré. Et puis aussi connecté à des acteurs et des actrices du territoire, pouvoir échanger aussi au sujet de leurs problématiques, de leurs enjeux. Pour moi, ça a pu être aidant aussi, par exemple dans le cadre du triathlon des partenaires, pour identifier en fait l'ensemble des acteurs et des actrices du territoire avec lesquels je pourrais éventuellement travailler ou co-construire des projets. D'accord. Donc aujourd'hui, ton activité, elle continue d'évoluer. Tu travailles sur quoi en ce moment ? Est-ce que tu as des projets dont tu aimerais ou tu peux nous parler ? Oui, alors j'ai une activité là qui est bien dense, prévue jusqu'à fin juin au moins, avec différents partenaires du niveau local, mais aussi à un niveau national. Donc, je développe une offre de formation pour un réseau d'associations environnementales autour des aspects de la coopération territoriale. Donc là, à travers des ateliers d'écriture créative notamment, mais pas uniquement, on travaille un certain nombre de concepts et de définitions de la coopération territoriale. Donc ça, c'est un des projets sur lesquels je travaille en ce moment. Je travaille aussi avec Citoyens et Territoires Grand Est sur différents sujets. Donc là, c'est plus auprès d'acteurs et d'actrices du développement local et d'aspects, de thématiques de justice sociale. Donc pour moi, c'est aussi des champs un peu nouveaux et extrêmement intéressants qui me passionnent. Donc c'est vraiment très enrichissant. Je travaille également avec des collectivités territoriales, plus sur des sujets de prospective en lien avec du changement climatique. Et un partenariat aussi hyper intéressant qui me plaît beaucoup sur la question de l'adaptation des modes d'habiter des personnes seniors en contexte de changement climatique. Donc dans un partenariat multiple. D'autres choses aussi dans les tuyaux, mais là je suis bien occupée, on va dire, jusqu'au milieu de l'été, quoi. Oui, j'ai l'impression. Alors quand tu regardes le chemin que tu as parcouru, c'est quoi qui te rend le plus fier? J'ai l'impression que le chemin est encore en cours. C'est une bonne question, parce que les éléments de fierté, c'est bien de se les rappeler de temps en temps. Moi, ce qui me rend le plus fier, c'est quand en atelier, quelqu'un qui arrive un peu dubitatif ou avec l'idée de « moi, je ne suis pas quelqu'un de créatif » ou « je ne suis pas quelqu'un de créative », ressorte finalement en se disant « waouh, je suis capable d'écrire ça ou d'écrire comme ça ». Ça m'est arrivé régulièrement dans les ateliers que j'ai animés l'année dernière. Pas plus tard que fin janvier, là, une personne qui était vraiment bloquée dans l'atelier voilà, on en a un peu discuté, je lui ai fait des propositions alternatives, etc. Et puis en débriefing, le lendemain, il a dit « je crois que je vais me mettre à la poésie ». Ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment très plaisir, parce qu'en fait, c'est pas juste écrire de la poésie pour écrire de la poésie. Pour moi, ce qu'embarque ce que l'on fait quand on écrit de la poésie sur des sujets comme ça liés au vivant, c'est qu'en fait, on ouvre la possibilité, la perspective d'aborder les choses autrement, avec toute la liberté, en fait, qui, je pense, est nécessaire aujourd'hui pour avancer dans ces transitions socio-écologiques. Je pense qu'on ne résoudra pas les enjeux du 21e siècle uniquement avec des lois, avec des normes, avec des cadres contraignants, avec des éco-gestes. Bien sûr, tout ça est nécessaire. Bien sûr, on a besoin de sécuriser en fait des processus et en même temps, ça donne envie à personne en fait d'y aller uniquement comme ça. Donc quand quelqu'un ressort d'un atelier en me disant ben ça, quelque part, ça m'a permis de voir les choses autrement, de reconnecter à une vibration plus profonde de pourquoi je suis là en fait, pourquoi je fais ça, même si c'est difficile, même si en fait parfois il y a beaucoup de désespérance ou d'anxiété, je suis quand même là parce que je connecte à d'autres, parce que je sens ces relations-là, parce que je sens que ça a du sens en fait pour moi profondément de contribuer à un monde plus vivant plutôt qu'à un monde plus contraint en fait. D'accord. Alors Élise, l'émission elle est bientôt finie. Est-ce que déjà avant de se quitter, tu pourrais nous dire bah, si quelqu'un se dit en nous écoutant bah, ça me parle, quel premier pas il peut faire, comment on te contacte? Alors, vous pouvez me contacter par LinkedIn ou par Facebook. Donc, mon nom, c'est Élise Levinson, mon pseudo ou le nom de mon projet Hybrida Folia. Et j'ai également deux sites internet. Un site internet qui s'appelle revolution-relationnel.com, où je partage voilà, un certain nombre de réflexions sur cet enjeu de la relation au 21e siècle. Et puis mon site d'artiste et d'animatrice d'atelier d'écriture créative qui est hybridafolia.art. En tout cas, merci Élise pour cet échange. Merci Morgane. On retient qu'il existe mille manières d'agir pour le vivant et que parfois, prendre le temps d'écrire peut aussi transformer notre regard et nos actions. Merci de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou si vous avez manqué un passage, rendez-vous sur Fadjet.net ou Spotify. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Entrepreneurs engagés sur Fadjet.